الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، chers frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour parler d'un sujet d'une grande importance qui concerne les moyens de préserver sa foi. Cette foi qui est le plus grand des bienfaits et la plus grande des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accorder à son serviteur. Chacun d'entre nous doit être conscient de ce bienfait et savoir que cette foi est la chose la plus précieuse sur laquelle tu dois veiller et que tu dois préserver. Car elle augmente et elle diminue et peut même s'user si le serviteur ne prend pas soin de sans cesse la renouveler et de purifier son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, « La foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous de la même manière que s'use le vêtement. Demandez donc à Allah subhanahu wa ta'ala de renouveler la foi dans vos cœurs. » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple concret afin que l'on comprenne l'importance de prendre soin de notre foi et la manière par laquelle il convient de prendre soin de cette foi. Lorsque tu as un vêtement neuf, tu vas généralement prendre soin de ce vêtement, de sorte à éviter tout ce qui pourrait l'abîmer ou le déchirer. Et tu vas t'éloigner de ces choses. Tu vas éviter de t'asseoir ou de te rendre dans des endroits sales, afin que ton vêtement ne se tache pas. Et s'il vient à se tacher, alors tu vas t'empresser de le laver, afin que la tache disparaisse au plus vite. Et tu vas l'entretenir et utiliser des produits qui lui feront retrouver sa vraie couleur et ainsi de suite parmi les choses que vous connaissez. Et de la même manière ou plus encore, tu dois agir concernant ta foi. Tu dois en prendre soin et éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à ta foi parmi les choses nuisibles et les péchés. Ces péchés qui peuvent entacher ton cœur et faire diminuer ta foi. Tu dois aussi éviter de t'asseoir ou de te rendre dans des endroits où tu risquerais de mettre ta foi en danger, à l'exemple des lieux où sont commis les péchés et où règne la perversion et la débauche et ainsi de suite. De la même manière que tu ne vas pas faire traîner ton vêtement neuf dans un endroit sale où il y a de la boue ou autre chose semblable. Tu dois prendre garde de ne pas laisser ta foi en danger en te rendant dans des endroits où ton cœur risque d'être entaché par une multitude de choses nuisibles parmi les péchés, et ainsi de suite. Et si tu ressens que ta foi diminue, ou que ton cœur a été souillé par un péché, alors, de la même manière que pour le vêtement, tu vas t'empresser de purifier ton cœur. Et ceci a lieu en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala, par le repentir sincère, en implorant son pardon, afin que cette tâche disparaisse de ton cœur, et que ta foi remonte, bi'idhnillahi ta'ala. Et tu vas entretenir ta foi, et sans cesse la renouveler, en multipliant les causes qui te permettront de faire augmenter ta foi, bi'idhnillahi ta'ala. On comprend donc à travers cela, que le musulman doit être attentif à sa foi. Et il doit prendre garde à ne pas être du nombre des insouciants, qui laissent leur foi diminuer et diminuer et diminuer, sans n'accorder aucune importance à cela, jusqu'à se retrouver du nombre des égarés, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. On rapporte du noble compagnon, Abu Darda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qu'il disait à ce sujet, « Il fait partie de la bonne compréhension du serviteur qu'il prenne constamment soin de sa foi et de ce qui en diminue. Et il fait partie de la bonne compréhension du serviteur qu'il sache si sa foi augmente ou si elle diminue. Et il fait partie de la bonne compréhension de l'homme, qu'il sache d'où lui viennent les suggestions du diable. » Ceci est une parole et une recommandation immense de ce noble compagnon, radiyallahu ta'ala anhu. Il nous encourage à prendre constamment soin de notre foi et de ce qui en diminue. Et il nous indique qu'il fait partie de la bonne compréhension, qu'il fait partie de la science et de la perspicacité du serviteur, qu'il observe et qu'il sache si sa foi augmente ou si elle diminue. Que s'il observe une diminution de foi, il s'empresse alors de remédier à cela, de soigner son cœur, et de ne pas laisser cette foi diminuer sans chercher à remédier à cette diminution. Car celui qui ne cherche pas à y remédier, alors il risque de courir à sa perte, wal'iyadu billah. Chers frères et sœurs, nous sortons tout juste du meilleur mois de l'année pour le croyant. Le mois de Ramadan, durant lequel le croyant fait des efforts pour se réformer, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, pour multiplier le bien et les bonnes actions. Et tout cela fait augmenter la foi du serviteur. Et de la même manière, durant ce mois, le croyant s'éloigne des péchés et des mauvaises actions, évitant ainsi de voir sa foi diminuer. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous ressentent durant le mois de Ramadan un bien-être qu'ils ne ressentent pas durant les autres mois de l'année. Car durant ce mois, le croyant se consacre à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et fait des efforts qu'il ne fait peut-être pas durant le reste de l'année, en raison de la particularité de ce mois dans lequel sont réunies de nobles adorations à l'exemple du jeûne, la prière de nuit et la lecture du Coran, qui font partie des adorations les plus immenses, qui ont un impact direct sur la foi du serviteur. Et toute personne ayant ressenti ce bien-être durant ce mois aimerait bien sûr le voir perdurer et ne pas se retrouver à nouveau angoissé, la poitrine serrée, emplie de gêne et d'un mal-être qui sont les conséquences de la diminution de la foi dans le cœur du serviteur. Donc si tu as conscience de cela, que tu as conscience de ce changement qui se produit après le mois de Ramadan, tu dois tout faire afin de préserver ta foi et ne pas laisser tes efforts partir en fumée. Ne sois pas de ceux qui, une fois ce mois terminé, replongent dans leur insouciance. Ne sois pas de ceux qui ne connaissent Allah subhanahu wa ta'ala que durant le mois de Ramadan. Celui que l'on adore, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas le mois de Ramadan. Et même si le mois de Ramadan est terminé, Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant qui ne meurt jamais. Donc tu dois prendre garde à ne pas faiblir après ce mois. Ne pas laisser ta foi diminuer. Profiter de cet élan que tu as eu durant ce mois pour persister dans le bien et dans les bonnes actions. Ne pas laisser ta foi faiblir. Ne pas replonger dans l'insouciance. Ne pas retourner au péché que tu as réussi à délaisser durant ce mois. Ne pas abandonner les efforts que tu as entrepris. Continuer dans les œuvres de bien et les bonnes actions. Persévérer dans tes efforts. Continuer, un minimum, la prière de nuit, la lecture du Coran, et ainsi de suite. Ne gâche pas ces efforts que tu as faits durant ce mois, mais préserve ta foi. Continue de l'entretenir comme tu l'as fait durant ce mois, afin de ressentir ce bien-être que tu as ressenti durant ce mois tout au long de l'année, bi'idhnillahi ta'ala. Et pour pouvoir prendre soin de sa foi, et ne pas la voir diminuer et faiblir, il est nécessaire tout d'abord de comprendre qu'est-ce que la foi et quelle est sa définition. Et comme vous le savez très certainement, les gens de la sunna ont défini la foi comme étant croyance du cœur, parole de la langue, acte du corps. Elle augmente par l'obéissance à Allah et elle diminue par la désobéissance à Allah. Médite bien sur les cinq choses mentionnées dans cette définition, car celles-ci te permettront d'avoir une vue d'ensemble et de connaître d'un point de vue général quels sont les moyens de préserver ta foi et de la faire augmenter. Et comment éviter que celle-ci ne diminue. Croyance, parole et acte font donc partie de la foi comme tu viens de l'entendre dans cette définition. Plus la croyance sera bonne et plus la croyance sera ferme, plus les paroles et les actes seront bons et nombreux, plus cela va influer sur la fermeté de la foi, sur son augmentation et va éviter sa diminution, inshallah ta'ala. Plus la croyance du serviteur sera ferme, plus sa foi augmentera et sera apaisée. Et c'est pour cela qu'il convient à chacun d'entre nous et à chaque personne qui souhaite préserver sa foi de redoubler d'efforts dans l'apprentissage de la croyance authentique. Et tu ne dois pas te contenter de simples prétentions, comme beaucoup de gens le font en disant « faire partie des gens de la sunna » ou « suivre les salafs », « suivre les pieux prédécesseurs », alors qu'ils sont ignorants de cette croyance, ignorants de la croyance des salafs, ignorant de la croyance des gens de la sunnah. Et ceci ne convient pas pour le musulman. Comment peux-tu prétendre emprunter une voie alors que tu n'en connais même pas les fondements? Donc la plus grande chose à faire pour préserver ta foi, c'est d'apprendre la croyance authentique de ces sources sûres. Ces sources sûres qui sont le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumullah ta'ala. Tu dois apprendre cette croyance, à commencer par apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître ton Seigneur, connaître ses noms et ses attributs, et connaître la croyance correcte à ce sujet, car ceci fait partie des plus grandes causes de préservation de la foi et de son augmentation et de sa fermeté. Et il est nécessaire également d'apprendre la croyance authentique concernant les autres piliers de la foi, qui sont la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, la foi au jour dernier, la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Chacun d'entre nous doit faire des efforts pour apprendre cette croyance et prendre garde aux croyances déviantes et innovées qui pourraient non pas seulement faire diminuer ta foi, mais totalement l'annuler et la faire disparaître, wal'iyadu billah. Donc ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. On voit nombre de personnes aujourd'hui qui, n'accordant que très peu de considération à ce sujet, se laissent aller à écouter toute personne ou tout prédicateur se mettant en avant sur ces réseaux sociaux qui sont accessibles à tous aujourd'hui, sans prendre soin de veiller à qui est cette personne de qui ils prennent la science. Au risque de prendre la science de personnes faisant partie des plus grands égarés parmi les gens de l'innovation. Certains pouvant parfois même faire partie de sectes chiites ou de sectes ayant pour croyance certaines croyances des Jahmiyyah ou des Mu'tazila, ou encore, de manière plus courante, des Asha'ira ou des Maturidiyya, et ainsi de suite parmi les sectes aux croyances innovées et contraires à la croyance authentique qui est la croyance des gens de la Sunna et du groupe qui ont pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Donc le musulman doit prendre garde à cela. Il se peut que certains se mettent en avant tout d'abord par des sujets attrayants, des sujets de base concernant tout musulman, puis peu à peu qu'ils se mettent à propager leurs innovations, leurs égarements, et mènent ensuite ceux qui les ont écoutés à leur perte, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ceci est la première chose sur laquelle tu dois veiller si tu souhaites préserver ta foi. Préserve ta croyance. Apprends la croyance authentique auprès des gens de science dignes de confiance. Et prends garde à toute personne appelant aux croyances innovées qui mettraient en péril ta foi. Ensuite, le deuxième point mentionné dans cette définition, ce sont les paroles. Tu dois veiller également aux paroles qui font augmenter ta foi et prendre garde à celles qui pourraient la faire diminuer ou voire même l'annuler. Et parmi les meilleures paroles qui feront augmenter ta foi, il y a bien sûr la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu as pu le faire durant ce mois. Et c'est pour cela que tu as vu ta foi augmenter. Et c'est pour cela que tu as ressenti ce bien-être dans ton cœur. Prends donc garde à ne pas être de ceux qui n'ouvrent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne le récitent et ne le lisent que durant le mois de Ramadan, puis laissent ensuite le mushaf prendre la poussière sur une étagère tout au long de l'année. Si tu souhaites préserver ta foi, préserve tes efforts dans la lecture du livre d'Allah. La lecture du Coran, ce n'est pas une adoration qui n'est légiférée que durant le mois de Ramadan, mais elle est légiférée tout au long de l'année. Donc poursuis tes efforts, même s'ils ne sont pas aussi intenses que durant le mois de Ramadan. Tu ne dois pas délaisser totalement la lecture du Coran. Essaye d'y consacrer un minimum de temps dans chacune de tes journées afin de préserver ta foi, bi'idhnillahi ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister en cela. Également parmi les paroles qui font augmenter la foi, il y a le rappel d'Allah, le dhikr, qui fait partie des œuvres les plus simples et pourtant négligées par grand nombre de personnes. Ce dhikr que tu fais avec ta langue, une adoration qui ne te demande que très peu d'efforts. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ces paroles qui sont les plus aimées d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Un trésor parmi les trésors du paradis. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah al-azim. Des paroles immenses en termes de récompense. Mais malheureusement, nombre d'entre nous sont dans l'insouciance. Tu sais que ces simples paroles vont avoir un effet direct sur ta foi et sur la purification de ton cœur. Tu sais qu'elles sont simples à prononcer. Donc pourquoi les négliger? Pourquoi laisser nombre de minutes, voire des heures et des journées entières passer dans l'insouciance sans se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses paroles simples qui vont préserver ta foi, la faire augmenter et augmenter le poids de tes bonnes actions dans la balance. Parmi les paroles qui font partie de la foi également et la font augmenter, il y a aussi des paroles très simples que tu ne dois pas négliger, qui sont toutes paroles agréables que tu peux adresser à tes frères et sœurs et qui font entrer la joie et le bonheur dans leur cœur. Tu ne dois pas négliger ces paroles, et plus particulièrement en ce qui concerne tes proches, à commencer par tes parents et les gens de ton foyer. Et ceci fait partie des moyens de préserver ta foi, de la faire augmenter, mais aussi de trouver le bonheur dans ton foyer et l'apaisement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre de prononcer des bonnes paroles. Il a dit « وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Bien entendu, parmi les meilleures paroles, comme on a dit, il y a la récitation du livre d'Allah, le rappel d'Allah, le commandement du bien, l'interdiction du mal, l'enseignement de la science profitable, et ainsi de suite. Mais il y a aussi toutes belles paroles que tu prononces pour réjouir ton père, pour réjouir ta mère, pour réjouir ton époux, ton épouse, tes enfants, ton frère, ta sœur, et ainsi de suite. Ceci fait partie des meilleures paroles, des paroles pour lesquelles tu es récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Protégez-vous du feu, ne serait-ce que par une demi-date donnée en aumône. Et celui qui ne peut pas, par une bonne parole. Par une bonne parole, tu te protèges du feu. Tu préserves ta foi, tu la fais augmenter, bi-idhnillahi ta'ala. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre le contraire et il dit « Inna shaytana yanzaru baynahum » car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable, il sème la discorde entre les serviteurs. Et parmi les moyens de semer la discorde, le fait de leur faire prononcer des mauvaises paroles, des paroles désagréables, des paroles blessantes qui vont blesser le cœur de ton frère ou de ta sœur, ou pire encore, des paroles interdites, à l'exemple du mensonge, de la calomnie, de la médisance, du colportage et ainsi de suite, qui sont parmi les plus grandes causes de discorde et de division entre les musulmans. Et tout ceci porte atteinte à la foi et la fait diminuer. Donc tu dois prendre garde à cela. Prendre garde aux suggestions et aux incitations du diable. Rappelle-toi de la parole d'Abu Darda que l'on a mentionnée. Il fait partie de la bonne compréhension de l'homme qu'il sache d'où lui viennent les suggestions, les incitations du diable. Et parmi ces suggestions et ces incitations, il y a le fait qu'il t'incite et qu'il te suggère de prononcer des mauvaises paroles. Donc retiens ta langue et rappelle-toi que ce bout de chair peut te conduire à ta perte. Une parole peut mener parfois la personne à quitter la lumière de la foi et à se retrouver dans l'obscurité de la mécréance ou l'iyadu billah. Par une seule parole, une parole de mécréance par exemple, en insultant Allah, en insultant sa religion, en insultant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en faisant une blague sur la religion, ou sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou sur le paradis, ou sur l'enfer. Par cette simple parole, la personne quitte la religion de l'islam et annule sa foi, wal'ayadu billah. Tu dois prendre garde à ce bout de chair, et savoir que de la même manière qu'il peut te conduire à des degrés éminents, si tu l'occupes par les paroles profitables, les paroles utiles et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aussi te conduire dans des abîmes profondes si tu ne la retiens pas et que tu prononces avec celle-ci des paroles interdites et pire encore des paroles relevant du polythéisme ou de la mécréance ou l'ayadu billah. Le troisième point mentionné dans la définition de la foi, ce sont les actes. La foi est croyance du cœur, parole de la langue et acte du corps. Et ceci englobe tous les actes de bien et toutes les bonnes actions que le croyant peut accomplir, à commencer par la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite parmi les actes aimés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui font partie de la foi et la font augmenter bi'idhnillahi ta'ala. Plus tu es assidu à ces actions et plus tu redoubles d'efforts dans celles-ci, plus ceci sera un moyen de préserver ta foi bi'idhnillahi ta'ala. Prenons l'exemple de la prière. Tu as ces cinq prières quotidiennes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites pour toi. Il te convient d'être assidu à ces prières, ne pas les négliger. Accomplir chacune de ces prières en son temps, ne pas les faire sortir de leur temps, sous prétexte de courir après les biens vils de ce bas monde, comme pour un travail ou autre. Tu dois accomplir chacune de ces prières en leur temps. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. En vérité, la prière demeure pour les croyants une obligation des temps déterminés. Durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Il y a certaines personnes qui n'accomplissent leur prière que durant Ramadan. Une fois Ramadan terminé, ils délaissent la prière, comme si cette adoration n'était prescrite que durant un mois de l'année. D'autres, alhamdoulillah, ils sont assidus à leurs prières obligatoires. Ils les accomplissent quotidiennement. Ils ne les font pas sortir de leur temps. Mais, une fois Ramadan terminé, ils délaissent les prières surérogatoires et plus particulièrement la prière de nuit. Et ceci également est une erreur et une chose qui risque de faire diminuer ta foi. Donc si tu souhaites préserver ta foi, tu dois être assidu à tes prières quotidiennes et faire suivre ces prières de prières surérogatoires qui vont te permettre de préserver ta foi et de préserver ton assiduité aux prières obligatoires. Plus tu feras de prières surérogatoires, plus tes prières obligatoires seront préservées de tout manquement et de tout délaissement. Donc sois assidu à tes prières obligatoires et redouble d'efforts dans les prières surérogatoires comme les rawatib, mais aussi la prière de nuit et ainsi de suite parmi les prières surérogatoires qui sont recommandées et légiférées pour le croyant. Également, l'aumône n'est pas légiférée que durant le mois de Ramadan, mais l'aumône est légiférée tout au long de l'année, à commencer par la zakat obligatoire. Combien sont ceux qui possèdent des richesses, épargnent de l'argent et ne versent pas leur zakat obligatoire. Parfois sous prétexte d'ignorance. Mais en tant que musulman, tu n'es pas censé ignorer les règles de cette zakat. Tu sais que c'est le troisième pilier de ta religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à de multiples reprises dans son noble livre avec la prière. Nul n'est censé ignorer que cette zakat fait partie des choses prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment peux-tu savoir que cette zakat est obligatoire, puis ensuite, la négliger et ne pas chercher à apprendre ses règles. Ceci est un manquement évident, auquel tu dois remédier, si tu es concerné par cela. Et faire des efforts pour apprendre les règles de cette zakat et t'en acquitter. Et verser cette zakat d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu feras suivre cette zakat obligatoire par le versement d'aumônes surérogatoires, autant que possible en fonction de tes capacités, et ceci sera un des moyens les plus immenses de faire augmenter ta foi et de la préserver. Également, il y a le jeûne. Cette noble action que tu as pratiquée durant le mois de Ramadan. Le jeûne, il est encore légiféré durant le reste de l'année. À commencer par ces 6 jours qui sont recommandés durant le mois de Shawwal. 6 jours qui te permettront d'obtenir la récompense du jeûne d'une année, bi'idhnillahi ta'ala. Également, le jeûne reste légiféré les lundis et les jeudis. Il reste légiféré 3 jours par mois, et plus particulièrement durant les jours blancs, et ainsi de suite. Le mois de Ramadan est terminé, mais tu dois veiller à ta foi, préserver ta foi, et ne pas abandonner les œuvres qui te permettront de la préserver et de la faire augmenter. Et le jeûne fait partie des adorations les plus immenses à ce sujet. Et ainsi de suite, parmi les bonnes actions que tu peux accomplir et qui sont des moyens de préserver ta foi, bi'idhnillahi ta'ala. Et en parallèle de cela, tu prendras garde à tout acte qui risque de porter atteinte à ta foi, à commencer par les péchés, les mauvaises actions, qui ont un impact évident sur le cœur et sur la foi. Médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith, le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique. Celui qui boit de l'alcool n'est pas croyant au moment où il le boit. Celui qui vole n'est pas croyant au moment où il vole. Et ce, car ces grands péchés ont un impact direct sur la foi du serviteur et font diminuer sa foi. Car ce qui est visé par la négation de la foi dans le hadith, c'est la foi complète. Et non pas qu'il quitte la religion. Mais sa foi n'est pas complète au moment où il commet ce péché, car commettre ce péché vient entacher son cœur et vient diminuer sa foi. Donc tu dois prendre garde à ne pas te laisser aller dans les péchés et les mauvaises actions. Et plus particulièrement, tu dois prendre garde à tes sens qui mène à ton cœur, et plus particulièrement l'ouïe et la vue. Les gens de science ont mentionné que l'ouïe et la vue sont les chemins directs qui mènent au cœur du serviteur. Et tout ce que tu entends et ce que tu vois va avoir un effet immédiat sur l'état de ta foi. Si ce que tu vois et ce que tu entends est bon, alors ceci va être une cause de la purification de ton cœur et de l'augmentation de ta foi. Mais si ce que tu entends et ce que tu vois est mauvais, alors ceci va venir entacher ton cœur et diminuer ta foi, wal'iyadu billah. Donc le musulman, il doit être attentif à cela. Ne pense pas que une image que tu regardes dans la rue ou à travers un écran n'aura pas d'impact sur ta foi. Ne pense pas que ces choses sont insignifiantes. Un simple regard ou une simple écoute peut parfois mener le serviteur à sa perte, faire diminuer sa foi, et s'il ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il risque de faiblir et de se détourner du droit chemin. Donc le musulman, il doit être très attentif à cela. Préserver son ouïe, préserver sa vue, préserver sa langue, préserver son corps de tout péché et de toute désobéissance qui pourrait le mener à la diminution de la foi et au délaissement du droit chemin qui lui a été ordonné de suivre. Chacun d'entre nous doit donc être attentif à tout cela afin de préserver sa foi. Et tu dois te rappeler que la foi est à l'exemple d'un arbre. L'arbre, plus tu vas en prendre soin, plus tu vas l'arroser, plus tu vas veiller à l'entretien de sa terre, plus il va pousser, plus ses racines vont se raffermir, et plus il va donner de bons fruits, incha'Allah ta'ala. Et inversement, si tu le prives d'eau, que tu n'entretiens pas sa terre, alors il risque de s'assécher et de mourir. Et de la même manière en ce qui concerne ta foi. Ta foi, tu dois l'arroser et en prendre soin avec toutes ces choses que l'on a mentionnées. En purifiant ton cœur de toute mauvaise croyance, en apprenant la croyance authentique, en utilisant ta langue pour prononcer de belles paroles et t'éloigner des mauvaises paroles, en utilisant tes membres et tes sens dans le bien et les bonnes actions, et t'éloigner du mal et des mauvaises actions, et ainsi de suite. Et si tu ne fais pas cela, si tu nourris ton cœur de mal, de mauvaises choses, que tu laisses tes yeux regarder des choses mauvaises, tes oreilles entendre des choses mauvaises, et ainsi de suite, ceci va entacher ton cœur. Ceci va le noircir. Et ceci va mener à la diminution de la foi. Et cette diminution de la foi aura un effet direct sur l'ensemble des membres de ton corps. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il y a certes dans le corps un bout de chair, s'il est bon, tout le corps sera bon, et s'il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Et ce bout de chair est le cœur. Donc le musulman, il doit veiller à la préservation de son cœur. Il doit veiller à sans cesse le purifier et sans cesse veiller à se préserver et s'écarter de toute chose pouvant l'entacher et mener à la diminution de sa foi. Enfin, pour terminer cette assise, j'aimerais mentionner deux causes parmi les plus immenses pour préserver sa foi. La première est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith que nous avons cité au début d'assise, qui est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit dans le hadith, demandez donc à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Car si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aide pas, et ne raffermis pas la foi dans ton cœur, alors tu ne pourras rien sans son aide, subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a enjolivé dans vos cœurs. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire aimer la foi, de l'enjoliver dans nos cœurs et de nous faire détester la mécréance, la perversité et les péchés. La deuxième cause qui est très importante pour préserver sa foi, par tous les moyens que l'on a mentionnés dans cette courte assise, c'est d'être un vrai muhajir, c'est-à-dire d'accomplir la hijra dans son sens large. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le muhajir comme étant celui qui s'éloigne, qui s'écarte de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc il fait partie des plus grands moyens pour le croyant de préserver sa foi, d'accomplir la hijra, en quittant les terres de mécréance pour se rendre dans les terres d'Islam, où il sera plus à même, bi'inillahi ta'ala, de tout mettre en œuvre, ce que l'on a mentionné dans cette assise, afin de préserver sa foi, de multiplier le bien et les bonnes actions, et de s'écarter du mal et des mauvaises actions. Et dans un sens plus large, il nous est demandé de faire la hijra de sorte à nous éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, de s'éloigner de tous les péchés, de faire des efforts pour s'écarter du mal et des mauvaises actions, que ce soit physiquement ou virtuellement à travers ces écrans aujourd'hui. S'éloigner des endroits de mal, s'éloigner des endroits où les mauvaises actions sont commises ouvertement, et ne pas penser que se mélanger à ces personnes qui commettent des péchés, ou à se trouver dans ces endroits où le mal est commis jour et nuit, sans aucune pudeur, tu ne dois pas penser que ceci n'aura pas d'impact sur ta foi. Mais ta foi est touchée à chaque fois que tu te retrouves dans ces milieux où les péchés sont commis et propagés, wal'iyadu billah. Donc, ceci était un court rappel à ce sujet. Le sujet est bien trop large pour être traité dans une si courte assise, car la foi fait partie des fondements les plus importants de notre religion, mais j'ai essayé ici à travers ces quelques mots de résumer quelques points essentiels qui nous permettront de savoir les grandes lignes à observer afin de pouvoir préserver notre foi. Bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.